vie de tous les jours. On parle de crime, de gang, la vie te joue des tours. Cause de shit de bœuf, ma drogue de tous les jours. Cause de Gaza, de bombardement des gosses, oui, y'en a tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mon micro, mon arme, ça donne dans les baffes. Je me débrouillerai bien corps et âme à aider les autres, préférerais donner des baffes à tous ces gens riches, les gens qui s'en fichent, les gens qui s'en fichent. Je te cause pas pour plaider ma cause. Je ne suis pas à plaindre, j'habite en France. Aujourd'hui, habiter la terre, c'est chaud. Je te parle pas de richesse économique ou politique, mais de réchauffement climatique. Jeter ses papiers par terre est devenu automatique. Changer ses habitudes pour la marmaille, je trouve ça normal. Je te parle de la vie de tous les jours. Je te cause pas pour plaider ma cause. Je te parle pas de richesse économique ni politique. Je te cause de shit de bœuf. Je te parle de la vie de tous les jours. Je te cause pas pour plaider ma cause. Je te parle pas de richesse économique ni politique. Je te cause de shit de bœuf, ma drogue de tous les jours. De ce que je pense, et quand on y pense, c'est pas ça je pense. Il pensera la plaie, pas celle de la France, ni celle de la terre, c'est celle de ton cœur. Faut pas avoir peur, rentrer dans la danse. Je te cause de ce que je pense, que la terre est ronde, le monde à l'envers. Garder les pieds sur terre, voilà mon message. Il me semble que le plus sage est de se mettre au vert. Je te parle de la vie de tous les jours. Je te cause pas pour plaider ma cause. Je te parle pas de richesse économique ni politique. Je te cause de shit de bœuf. Je te parle de la vie de tous les jours. Je te cause pas pour plaider ma cause. Je te parle pas de richesse économique ni politique. Je te cause de shit de bœuf, ma drogue de tous les jours.